doigts millés, emmêlés en argent, emmêlés tout en or, emmêlés en diamant. Toutes mille fatigués, pas ni si haut batterie, si haut bouger.